Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 71. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 25 mars 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es quai des Orfèvres, tu es panier à salade, tu es l'inspecteur d'Éric ou Charles Pasqua, tu as une grosse paire de menottes, tu es gardien de la paix et tu es aussi... Hé, hey, Plava, la blonde avec le gosse au pied. Oui, vous avez au papier, je suis de la police. C'est votre petit frère, hein? Votre fils, bon, circulez. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es flic et tu verbalises. Alors, nous l'avons appris cette semaine, Nicolas Sarkozy, le premier flic de France, va donc quitter la place Beauvau demain après-midi pour devenir enfin un candidat comme les autres à l'élection présidentielle. Ainsi, à l'heure où les Pandores regrettent déjà celui qu'ils appelaient « papa », la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle de la police nationale. Donc, pour commencer, du gel exfoliant à la crème hydratante, il faut te retracer l'histoire de la police. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons de comprendre pourquoi les flics exercent une réelle fascination sur certains d'entre nous. Et pourtant, on enchaînera sur une petite merveille des inconnus qui viendront nous démontrer qu'en réalité, les policiers sont des hommes comme les autres. Et puis, dans la foulée, nous te révélerons en exclusivité comment le pot de départ de Nicolas Sarkozy a viré pour lui au cauchemar. Et enfin, te raconter pourquoi Jean-Claude a été placé en garde à vue le week-end dernier dans son commissariat de quartier et surtout comment Monique a alors découvert combien cet endroit était pour le moins bizarre. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et tout le monde en poste! Message in a Bottle, c'est ce qu'envoie dans le monde entier le groupe Police en 1979. Parce qu'en 1979, c'est le second choc pétrolier et donc l'augmentation du coût de fabrication des véritables messages dans des bouteilles qu'hélas reçoit parfois la police, à savoir les cocktails Molotov. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé d'explorer l'univers sécuritaire de ceux qui gardent notre paix et qui veillent vaillamment sur notre tranquillité. Et oui, qui êtes-vous au juste, hommes et femmes de la police nationale ? Nous sommes les petits fous. Vous avez dit les schtroumpfs ? Ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux ? Nous sommes les petits schtroumpfs. La li la la la schtroumpfs. La li la la la li. La la li la la la. La la la la la. La notion de sécurité publique est aussi ancienne, bien entendu, que les premières sociétés humaines. Mais la police n'apparaît véritablement en France qu'au XVIIe siècle. C'est en 1667 que Louis XIV crée la charge de lieutenant de police et donne ainsi à la sécurité publique une autonomie face au pouvoir judiciaire. Mais avec la Révolution française, l'administration royale disparaît et la police se trouve alors profondément désorganisée. C'est le premier consul, Napoléon Bonaparte, qui dès 1800 réforme la police. La préfecture de police est créée à Paris et la France se dote d'une administration remarquable par son efficacité. La police impériale, alors dirigée par le redoutable Joseph Fouché, devient un outil majeur du pouvoir. Mais il s'agit à l'époque d'une police principalement politique. En effet, tout au long du XIXe siècle, son rôle principal, c'est de rechercher les opposants aux différents régimes. Cependant, à la toute fin du XIXe siècle, la police doit faire face à l'augmentation de la violence. C'est au temps des apaches et des attentats anarchistes. Les juges d'instruction, totalement dépassés, font alors appel aux policiers pour mener les enquêtes. C'est l'éclosion de la police judiciaire. Et dans le même temps, cette police, elle se modernise. Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Grand ni gros, ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux en torpedo, de vrais casse-cou à 35 au chrono. Monsieur Clémenceau, c'est plus réglo, c'est la mort du boulot. Ainsi, le ministre de l'Intérieur Clémenceau crée en 1907 des brigades de police mobile, les fameuses brigades du Tigre. La police technique est alors de plus en plus sollicitée pour les enquêtes et à l'école de police, on enseigne la criminologie. Mais durant l'entre-deux-guerres, les services de police restent très décentralisés avec notamment d'importantes polices municipales. C'est l'État français du maréchal Pétain qui organise en 1941 une police véritablement nationale, une police française quoi. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autant ! Mais que se passe-t-il ? Vraiment, je ne comprends pas. Pas la peine de prendre vos grands airs. J'ai dit Ausweis ! Tiens, pendant que vous y êtes, ajoutez-moi les tickets de pain. Vous les laissez tomber doucement par terre, allez, hop ! Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop ! Servez-vous, ils sont là, sur la table. Il est où le type qui a vous planqué ? Tu pars tout de suite ou je te fais couler en bain ? Aïe, la collaboration d'une partie de la police pendant la Seconde Guerre mondiale conduit à une épuration des services à la libération. Mais les institutions mises en place sous le régime de Vichy sont maintenues, avec une nouveauté tout de même, à savoir la création des merveilleuses compagnies républicaines de sécurité, les CRS. Pourtant, au temps gaullien du préfet de police Papon, quelques esprits chagrins ne peuvent s'empêcher de relever les bavures. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Eh oui, c'est là tout le problème de la police. L'action de milliers de fonctionnaires intègres et républicains disparaît sous les coups de matraque de quelques-uns. Mais remarque bien l'ami qu'en mai 68, par exemple, il n'y a eu aucun mort. Comme quoi, la police et les bavures, ça dépend aussi de la volonté politique et surtout de celle du ministre de l'Intérieur qui, quand il laisse du mou dans la matraque de ses voltigeurs, peut faire des morts, comme ce fut le cas pour Malik Houssekine en 1986. Eh oui, un ministre de l'Intérieur doit faire preuve de sang-froid et d'analyse pertinente, à l'image du regrettable Charles Pasqua. J'ai encore dans l'oreille les arguments avancés par les socialistes. Les contrôles d'identité, c'est stressant, c'est frustrant. Vous n'êtes pas raisonnable, puisque lorsque vous allez au supermarché et que vous passez à la caisse, que vous payez avec un chèque, on vous demande de justifier de votre identité. Ça n'est pas stressant, ça n'est pas frustrant. La casquette du policier ou le képi du gendarme, ça ne peut être stressant que pour les malfaiteurs et les crapules, pas pour les honnêtes gens. Tu crois pas que t'en fais un petit peu trop sur la police ? Avec leur connerie de tolérance zéro, franchement. J'ai regardé dans le dictionnaire, ça n'existe pas, tolérance zéro. Le vrai mot, c'est intolérance. Il n'y a pas de degré dans la tolérance. T'imagines les keufs ? Allô, centrale ? On est sur une intervention tolérance 2, là. Ouais, c'est-à-dire qu'on les défonce, mais on les vous voit. Toujours un petit truc, un petit truc. Non. De notre gueule quand même. Mais non, la police ne se fout pas de notre gueule. C'est juste qu'aujourd'hui, la police a changé. Les formes de délinquance et de criminalité sont multiples et la police judiciaire doit trouver de nouvelles parades. De même, la sécurité intérieure nécessite la mise en œuvre de moyens sophistiqués. Alors bien sûr, le recrutement des policiers est de plus en plus drastique et il faut sans cesse se mettre à niveau. Certains d'ailleurs sont même obligés de retourner à la fac, dis donc, avec tous leurs copains en plus. Demain j'irai à la fac avec tous les copains. Si je vais là-bas, c'est pas pour préparer des examens. Sur les ennemis de la société. Vas-y, maman. J'ai la matraque, le casque et les bottes. Oh, quel mignon. Le grand bouclier et les menottes. Les gaz lacrymaux, le beau fusil. La tude nous a même dit qu'on reviendrait sûrement jeudi. Vendredi. Pour faire cavaler tous ses fils à papa. Ces étudiants qui fument de la marijuana. C'est pas bien. On a chargé les barricades avec les copains. C'était marrant de les voir détaler comme des lapins. On pouvait se défouler et massacrer cette racaille qui voulait toujours plus de liberté. Il criait l'alcool tu prenais donc du LSD. C'est pas la même chose. On s'est fait coincer rue Gay-Lussac. C'en était fini de notre attaque. Ce 11 mai 1968, face au sourire de Cohn-Bendit, il ne nous restait que la fuite. C'était trop tard, ils étaient 5000 devant. La complainte du CRS, moment magique que vient de nous offrir le groupe Indigo, sympathique brigade d'intervention loufoque grâce à qui tu envisages désormais différemment les joyeuses compagnies républicaines de sécurité. Non ? Bon ben d'accord. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire de la police nationale, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser quelques minutes à cette fascination qu'exercent les Pandores sur certains d'entre nous. Oui, mon ami, pourquoi les flics sont-ils des héros ? Qui n'a pas le souvenir d'avoir parfois ressenti l'envie d'incarner la loi, soit en partageant un jambon-beurre avec le commissaire Maigret pour tenter de l'aider à coincer le meurtrier, soit en enfourchant une grosse moto pour devenir le coéquipier ou la coéquipière du fabuleux sergent Pancherello qui collait des prunes aux chauffards sur les autoroutes de Los Angeles. C'est ainsi, qu'il soit vieux mais rusé ou intrépide et glamour, eh bien, le flic nous est présenté comme l'essence du bien qui vient soutenir la justice lorsque les forces du mal viennent perturber l'ordre social. Certains mauvais esprits n'y verront là que des foutaises, et pourtant chacun sait que la mission première du policier, son sacerdoce, c'est de protéger les citoyens. Et cela, quelles que soient les circonstances, n'est-ce pas, monsieur le commissaire ? Note confidentielle numéro B742. Nous avons déjà procédé à 3247 arrestations, soit 11% de plus que l'année dernière, à la même date. Ce qui veut dire que si nous ne voulons pas passer pour l'arrondissement de Paris, où la petite délinquance a le plus progressé, il nous est gentiment demandé de différer à l'année prochaine l'arrestation des petits délinquants. Autrement dit, non seulement tu as risqué de prendre un coup de couteau dans le bide pour un sac dont personne n'avait rien à foutre, mais en plus, tu nous faisais grimper au hit parade des quartiers pourris. Eh oui, la police nationale est également reconnue pour son expertise comptable. D'ailleurs, à ce propos, il faut toujours faire confiance aux forces de l'ordre. À Paris proprement dit, les estimations sont beaucoup plus larges. La police a compté 33 000 manifestants, le syndicat UNEF 120 000. 16 000 personnes dans la rue selon la police, autour de 50 000 selon les organisateurs. À Paris, le défilé organisé entre la place de la République et la gare Saint-Lazare a rassemblé environ 50 000 personnes selon la préfecture de police et 160 000 selon la CGT. Alors cette fois, combien était-il ? Dans la capitale, 45 000 personnes selon la police, 100 000 selon les organisateurs. 247 500 précisément selon la police, près de 320 000 selon les organisateurs étudiants. Bonsoir, entre Bastille et Invalides, sur une bonne huitaine de kilomètres, ce fut une manif en couleurs et en chansons. 150 000 selon la police, 1 million selon les organisateurs. Alors là, heureusement que les préfectures de police savent compter, bon sang. Comment ferions-nous sinon pour obtenir les véritables informations ? Quand je pense que certains se demandent parfois ce que fait la police, franchement, j'en ai honte. La police travaille, madame, et dans une société où les plus faibles n'intéressent plus personne et où les vieux sont cantonnés à l'hospice, eh bien merci qui ? Merci la police ! Commissaire Bresse, j'écoute. Allô ? Oui, le commissariat de Bresse, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je voudrais parler à... comment il s'appelle, là, le policier, là ? Excusez-moi, j'ai pas la mémoire des noms parce que j'ai 92 ans. Oui, et qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur ? C'est un monsieur de commissariat... Oh, comment il est là ? Il est un peu gros. Il a les dents un peu jaunes. Oh, oui, mais... Avec les... Vous savez, il a des cheveux gras. Avec des pellicules aussi, j'ai remarqué. Il y en a, vous savez, des gros ici, des... Hein, des... Et il a des boutons sur le visage. Il a les ongles noirs aussi. Oh, alors là... D'après la description que vous me donnez sommairement, là, hein... c'est pas monsieur Kell ? Comment ? Kell. Voilà. Bon, quel ? Il travaille, attendez voir, il travaille demain après-midi. Ah, c'est lui. Mmh. Je me souviens, évidemment, il sentait très fort des pieds, il avait une mauvaise haleine aussi. Eh bien, ça doit être lui. Eh oui, c'est ça aussi notre police nationale, une esthétique corporelle, un prestige naturel, une élégance vestimentaire, le tout dans un uniforme impeccable et martial que le monde entier nous envie depuis des décennies. Tu m'étonnes. On a pu voir ce matin dans tous les journaux parisiens, près du général de Gaulle, un monsieur particulièrement bien habillé, qui avait l'air militaire lui aussi, et qui en était un agent de police. Parlons maintenant, si vous voulez, papotons un peu sur l'élégance policière de 1960. Nous avons là le gardien Dupont. Le gardien Dupont, vous savez, c'est la gloire, c'est le fanion de la police parisienne, car c'est notre mannequin. On l'envoie comme ça à l'étranger pour leur dire « Regardez comme ils sont beaux, nos petits agents de Paris ». Et aujourd'hui, il est venu avec sa belle veste blanche. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du quoi? C'est une veste en tergale qui a été mise à l'étude, oui, surtout pour les grandes cérémonies ou comme hier, vous voyez, dans un service spécial. Oui, c'est sensationnel. Puis ça change un peu comme ça de la tenue bleue. Ah, hein, oui, ça tranche énormément avec le pantalon, le képi, tout ça. Mais vous gardez quand même tout ce petit truc. Là, pour l'instant, c'est le revolver. Ça, c'est le revolver. Oui, alors là, le revolver, c'est... faut toujours le garder, ça, oui, c'est impossible. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui serait acceptable, c'est que le ceinturon soit pas blanc, parce que blanc sur du blanc, ça ressort moins. Ton sur ton, hein, vous avez raison, voilà, ça c'est gênant, ton sur ton. Alors il faudrait quelque chose de bleu, ou voire même un noir, un noir vernis, ça serait pas tricolore, non, ça ferait peut-être... Moi je suis pas tricolore, ça serait peut-être un peu drôle. Quoi. Pour la police, il faut rester quand même dans un cadre assez sérieux. En effet, monsieur l'agent, personne n'en doute, la police, c'est sérieux. D'ailleurs, derrière les uniformes chamarrés, se cache en réalité une rigueur professionnelle exceptionnelle chez le flic. Et toute la journée, il est au taquet. De 9h à 6h du soir, il marchait le long des trottoirs, en taxant selon son devoir les stationnements prohibitoires. C'était Albert, le contractuel, qui croyait que sa vie était belle. Il oubliait que dans le ciel, les papillons bleus ont des ailes. Et voilà, là encore, j'entends les mauvaises langues murmurer que les flics font du zèle, qu'ils verbalisent à tour de bras pour remplir des quotas, mais que crois-tu? Ce n'est pas simple pour lui d'embarquer ta bagnole pour la fourrière quand il sait que tu vas devoir raquer 156 euros pour la récupérer. Il n'est pas fier de lui, car vois-tu, derrière la moustache du poulet, se dissimule en réalité le cœur d'un homme sensible et délicat. Moi, je suis CRS. Je voudrais fonder un couple. Une petite, mignonne, gentille. Qui soit écrire des poèmes, pourquoi pas? Un pétale de fleurs qui chante. On peut faire partie de la compagnie républicaine de sûreté et d'y avoir sa part de romantiste. J'arrive! Je déconne! Enfin, avoir de l'humour, c'est pas interdit. Eh oui, sache bien qu'en plus d'être un héros, mon ami le flic aime la déconne. En réalité, d'ailleurs, au plus profond de lui, il refuse cette étiquette de cow-boy héroïque. Car avant tout, c'est un homme comme les autres. Et pour les deux ou trois gauchistes là, qui en douteraient encore, écoutons ce reportage touchant, réalisé par des inconnus sur ce qu'est le quotidien d'un gardien de la paix. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. La police d'aujourd'hui présente un nouveau visage. Une équipe des FR3 Île-de-France a suivi 24 heures de la vie d'un commissariat de quartier. Les policiers, des hommes comme les autres. Je m'appelle Robert Robichet, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Jean-Pierre Avidol, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Mais qui sont-ils, ces hommes? Non, ce n'est pas qu'on est des surhommes. Nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout. Comment allez-vous? 8h13. La journée commence très tôt. Bonjour Robert. Alors, ça va? Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Ouais, j'ai un petit tour. Ouais. Un peu froid. Hein. Ouais, faut soigner ça. Bon, je vois surtout que le policier aujourd'hui doit être conscient de la tâche, de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui décombe. Qui lui décombe et surtout qui lui incombe. Vous êtes du même avis que vos subordonnés? A fortiori, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, le policier doit être conscient de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui incombe. Qui lui décombe. Je suis désolé, hein. Mais donne. 9h16, premier appel. Oui, allô, bonjour madame. Oui. Tentative de viol. D'accord, trouvez tous les subterfuges adéquats

par un étrange personnage en imperméable. Juste une chose, monsieur. Votre métier, c'est bien animateur télé? Non, je suis ministre. Ah, c'est ça, ministre. Excusez-moi, monsieur, mais comme ma femme vous voit tous les jours aux infos, du coup, elle pensait que vous étiez présentateur du journal. Excusez-la, monsieur, elle est complètement conne, ma femme. En même temps, elle passe son temps devant la télé. Sarkozy se dit que cet inspecteur-là, il faudra me le muter à la circulation avant mon départ, hein. C'est alors que Nicolas aperçoit dans un coin du salon Gilles de Robien, son collègue de l'éducation nationale. En effet, mardi dernier, Gilles de Robien avait préféré quitter son ministère pour éviter les manifestations d'enseignants réclamant l'abrogation d'un décret instaurant la bivalence et allongeant le temps de travail des profs. Nicolas Sarkozy voit bien que de Robien n'a pas l'air dans son assiette. Alors, un verre à la main, Nicolas va voir son collègue qui, lui, se plaint des profs. Regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi ça. Rien que des ringards et des traînes savates. Quand je suis entré dans cette académie, chaque stagiaire avait la taille qu'il faut, le poids qu'il faut, la couleur qu'il faut, et ils avaient tous de sacrés obes. Pas des zizi, des obes. Dans cette heureuse époque, mon cher, il y avait des obes à ne savoir qu'en faire. Et là, Nicolas Sarkozy est bien d'accord. D'ailleurs, Sarkozy, il dit à Robien que s'il est élu président, il rallongera les obes à tout le monde. Et oui, Nicolas, il a tendance à beaucoup promettre en ce moment. Mais Nicolas sait bien que pour lui aussi, le bilan n'est pas terrible. Cela dit, il a la solution pour bien gouverner. On a toujours besoin d'un grand ministre, la police. Avec une bonne police, il ne peut y avoir qu'un bon gouvernement. Puisque personne n'ira jamais dire qu'il est mauvais. Sauf tous ceux qui sont en prison pour avoir dit qu'il n'est pas bon. Mais il est vrai que les gens qui sont en prison sont de mauvais citoyens, donc leur avis ne compte pas. Non, qu'ils en éteignent même une insolence à l'égard du pouvoir. Et ça, le pouvoir, monsieur Sarkozy, il le connaît bien. Alors qu'il s'apprête à poursuivre ses explications, le ministre de l'Intérieur est une fois de plus apostrophé. Excusez-moi, monsieur, pardon. C'est pas vrai. Je me disais, la police, normalement, elle est là pour faire le calme, monsieur, non? Oui. Calme, oui. Ah, c'est embêtant, hein. Les problèmes en banlieue, les jeunes qui ont peur de la police, plus de police de proximité, plus de crédit pour les associations, c'est difficile. Je vous le fais pas dire, hein. Il y a un énorme problème avec les banlieues. Eh oui, énorme. Je pensais à une chose, monsieur. Vous êtes bien candidat à l'élection présidentielle de 2007. Oui, comme ça, maintenant que vous le dites, oui. Du coup, monsieur, l'insécurité, la peur, vous avez un mobile. Non mais c'est quoi ce flic-là? C'est pénible, vous savez, d'avoir la police sur le dos tout le temps comme ça, là. C'est vrai, c'est oppressant, là. C'est vrai, c'est oppressant. Nicolas Sarkozy envoie donc paître l'importun et retourne voir Gilles de Robien. Mais la conversation est une nouvelle fois interrompue. Nicolas Sarkozy décroche alors son téléphone portable. C'est un appel urgent. La police doit tout de suite intervenir. Nicolas Sarkozy dit à Gilles de Robien qu'il s'agit d'une épineuse question qui menace la sécurité nationale et qu'il va avoir besoin de lui. Les deux ministres bondissent dans la voiture, Gilles de Robien met la sirène en marche, Nicolas Sarkozy prend le volant et les deux ministres démarrent en trombe. Nicolas Sarkozy et Gilles de Robien foncent donc à toute allure pour une intervention policière de premier ordre. Un indique a mouchardé que ce soir, à la sortie des classes, un grand-père sans papier viendrait chercher ses petits-enfants devant une école maternelle du 19e arrondissement. Nicolas Sarkozy arrive devant cette école maternelle dans une terrible crissement de pneus et bondit au milieu des parents d'élèves médusés. Et là qui va là ? Et là ça va pas ? Je suis là. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la loi. Moi je vous arrête. Je vous arrête là. Les parents d'élèves s'interposent et empêchent l'arrestation devant les enfants d'un homme dont le seul crime est de ne pas avoir de papier. Sarkozy décide donc d'arrêter tout le monde pour entrave à l'action de la police. Oh les mains. Oh les mains, oh les mains, oh les mains, oh les mains, oh les Mais aucun parent d'élève ne lève les mains. Il est des valeurs républicaines de solidarité qui dépassent parfois la légalité. Et c'est dans l'esprit de De Gaulle en 1940 ou celui de l'abbé Pierre en 1954 que tout le monde s'oppose à l'arrestation. Même les enfants qui sortent de l'école prennent conscience de la situation. Faut plus que tu parles à Nicolas, c'est un capteur. Il va tout répéter tout bas au professeur. Même que son frère, il est comme lui, ça c'est ma sœur qui me l'a dit. C'est une famille de rapporteurs. Nicolas est hors de lui. Comment ose-t-on résister à la police ? Il tente tout de même d'entrer dans la classe du CP, mais il est vite repoussé par les parents résistants. Alors bien sûr, Nicolas Sarkozy, ne parvenant pas à ses fins, est reparti avant l'arrivée des journalistes. Mais un parent d'élève a pourtant rapporté à la presse ce qui s'est réellement passé. Quand le petit Nicolas est entré au CP, on l'a tous montré du doigt, on a tous manifesté. C'est à cause de son nom, quelle idée de s'appeler police. On lui pose plein de questions, on l'appelle l'agent de service. Fallait pas s'appeler comme ça, car toute l'école crie de joie. Nicolas Police a donc subi un échec cuisant devant l'école maternelle. Mais peu importe, au volant de sa voiture de police, il fonce à toute allure en direction de sa prochaine mission avant de quitter le ministère de l'Intérieur. Il va à Argenteuil, lieu d'un autre échec, la banlieue à qui il voudrait tant plaire. Je voulais tant te plaire, sans vouloir te cabosser. Que veux-tu y faire? Je ne voyais pas ta chair comme de la tôle froissée. Tu n'aurais pas dû te taire. T'aurais pu quand même te confier. Je n'aurais pas dû te laisser faire ces choses qui t'ont plombé. Tu sais, tu n'avais pas l'air d'être autant largué. Mon homme blessé, c'est ce que regrette Valérie Leliot sur son album intitulé Caldeira. C'est aussi ce que déplore ce matin la femme du flic lorsqu'elle entend qu'une émission de radio potache blesse l'orgueil de son policier de mari. Alors qu'ils sont bien contents de les trouver, les flics, hein, quand ils en ont besoin. Et c'est vrai. Alors maintenant, pour prolonger nos aventures dominicales dans les arcanes de la police nationale, il est grand temps désormais, à 11h45, de retrouver nos deux gyrophares, les orfèvres que sont Monique et Jean-Claude. Avant tout, il faut savoir que samedi dernier, vers 20h30, après dîner donc, toute la petite famille était paisiblement installée au salon, puisqu'il était question de mater une nouvelle saison de la série 24 heures chrono que Jean-Claude venait d'acheter en DVD. Seulement voilà, à peine Jack Bauer est-il apparu à l'écran que des crissements de pneus et des sirènes hurlantes viennent interrompre la séance de cinéma. Précipitamment, Jean-Claude se dirige vers la fenêtre pour connaître les raisons de ce tintamarre. C'est alors qu'il découvre que plusieurs véhicules de police viennent de se garer devant chez lui. Mais surtout, voilà que des flics cagoulés s'engouffrent à toute allure dans son jardinet, quand tout à coup, une voix de l'extérieur interpelle Jean-Claude. « Restez groupés ! Restez groupés ! Avancez-vous dans le jardinet, les mains sur la tête. Il ne vous sera fait aucun mal. Restez groupés. Relâchez les femmes. Relâchez les femmes. Je répète, relâchez les femmes. Monique et Jean-Claude ne comprennent absolument pas ce qui est en train de se passer dehors. Les momons la trouille, ils décident donc de respecter les injonctions de la police nationale. Ils sortent de la maison, les mains sur la tête, et se retrouvent nez à nez avec une brigade d'intervention armée jusqu'aux dents. Monique, qui n'en peut plus de cette France-là de plus en plus sécuritaire, ne se dégonfle pas devant l'armada policière. Jean-Claude fait alors remarquer à Monique que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour jouer les héros gauchistes. Mais, visiblement, les forces de l'ordre ont l'air tout à coup totalement désemparées. Les gaillards ont été appelés pour une prise d'otage. Et là, il semble qu'il y ait eu une boulette sur l'adresse exacte de l'intervention. Jean-Claude, qui a eu la trouille de sa vie, vient de comprendre la bavure des flics. Fou furieux, il s'approche du commissaire et lui fait simplement remarquer que... Ah si t'avais osé quand t'étais petit, ah si t'avais caressé ta nourrice, tu serais moins con que tu n'es aujourd'hui. Je veux dire que tu ne serais pas dans la police. Vexé comme un pou, le flic ne se démonte pas et suite aux propos injurieux et anarchistes du Jean-Claude, il décide qu'ils n'auront pas fait le voyage pour rien. Insulte à un représentant de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions. On va vous mettre au chaud pour la nuit. Ah, je ne tolérerai pas. Gardien. Ça, je ne tolérerai pas. Je ne tolérerai pas. Je ne tolérerai pas. Laissez-moi. Lâchez-moi. Je vous ordonne de me lâcher. Lâchez-moi, pourtant. Lâchez-moi. Fasciste ! Hurle Monique qui se précipite à la maison, préférant épargner aux enfants ce spectacle pathétique. Ainsi, Jean-Claude se retrouve embarqué dans le panier à salade, direction le commissariat. 20 minutes plus tard, un gardien de la paix confie donc Jean-Claude à l'équipe du commissariat de quartier. Seulement voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Jean-Claude est totalement décontenancé par l'accueil que lui réserve cette nouvelle brigade de flics. Bienvenue à l'hôtel commissariat. Il y a toujours la place, il y a toujours la place, il y a toutes sortes de races. Tous les collègues de l'hôtel commissariat. Il y a toujours du stress, il y a toujours du stress. Sur ta gueule des traces. Qu'est-ce que c'est que ce commissariat ? Se dit Jean-Claude. Ils n'ont pas l'air très nets par ici. C'est bizarre. Puis on conduit Jean-Claude dans une cellule collective, dans l'attente de son interrogatoire. Il y a là plusieurs détenus, des mines patibulaires et 2 ou 3 alcoolos. C'est alors que 2 flics se pointent et annoncent aux détenus, Jean-Claude compris, qu'il va y avoir des fouilles corporelles. Allez hop ! À poil, tout le monde à poil, les petits, les grands, les bons, les méchants. Jean-Claude blêmit, il veut voir un avocat. En attendant, quoi qu'il en soit, il est hors de question qu'il se dessape ici, devant tout le monde. Mais non, c'est une blague. Je te rappelle que les flics adorent la déconne. Jean-Claude, lui, ça ne le fait pas du tout marrer, ce canular à la con, et il pète une durite. La police est partout, mais la justice est nulle part. Si tu trouves ça normal, moi je trouve ça bizarre. La police est partout, mais la justice est nulle part. Si tu trouves ça normal, moi je trouve ça. La police est partout, mais la justice est nulle part. La police est partout, mais la justice est nulle. La police est partout, mais la justice est nulle part. La police est partout, mais la justice est nulle. Les deux flics préfère immédiatement sortir Jean-Claude de cette cellule et le conduisent devant une femme flic chargée de son interrogatoire. Jean-Claude s'installe, se calme et lui raconte le quiproquo incroyable de cette soirée sordide. L'inspectrice le rassure et lui affirme que tout cela va très vite rentrer dans l'ordre. Mais comment une femme aussi intelligente peut-elle servir dans la police ? Lui demande alors Jean-Claude. Ce à quoi l'inspectrice de police lui répond que... Moi j'aime galonner des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur. « C'est un garçon merveilleux. Qui a les yeux presque aussi bleus que son uniforme moelleux. Quand dans ses bras je me glisse entre les heures de service, il me dit à la police. Au même moment, Monique, furax après les forces de police, arrive au commissariat pour récupérer son Jean-Claude. Et elle vient d'entendre les déclarations ridicules de cette jeune inspectrice-là. D'ailleurs, Monique n'est pas du tout d'accord avec elle. J'aime pas les déguisements, contrairement à certaines qui s'énervent au volant pour qu'un policier vienne exhiber sa petite laque pendant qu'un peu plus bas pente une jolie matraque qui ne servira même pas. Suffit d'un feu grillé pour que brille un gyrophare. Si tout est moustillé, oh, que certaines se garent. Moi, je suis pas comme ces femmes que ça fait délirer. C'est pas parce que t'as une arme que tu sais bien tirer. Évidemment, les fonctionnaires de police présents dans le commissariat considèrent les propos de Monique comme une véritable provocation et ils tentent alors de l'impressionner en la molestant. Monique réagit aussitôt et reconnaît bien là, dit-elle, les pratiques d'intimidation recommandées par Nicolas Sarkozy. À peine Monique a-t-elle prononcé le nom du ministre de l'Intérieur que c'est le commissariat tout entier qui se met à lui faire savoir ce qu'il pense réellement de leur ministre. Alors là, Monique n'en revient pas. Il y aurait donc des fonctionnaires de police qui verraient les choses différemment. Incroyable soirée. Voilà, fin de l'interpellation. Au passage, sur le chemin du retour, dans la voiture qui les conduisait enfin à la maison, Monique a déclaré à Jean-Claude qu'elle va revoir ses clichés sur les flics. C'est vrai ça, ils l'ont sacrément impressionné ce soir. Paris sera toujours Paris, c'est bien connu. Grâce à la beauté de ses filles et de ses avenues, on oublie pourtant un autre élément qui le rend coquet et qui fait de l'effet. Car ils sont bien jolis, les flics de mon pays. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Avec leur bâton blanc, leur sifflet, leur képi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Costume bleu marine, très bien coupé, avec ceinturon et gants blancs pour les égayer. Les autos séduites s'arrêtent bien vite pour les admirer au passage clouté, car ils sont bien jolis, les flics de mon pays. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, avec leur bâton blanc, leur sifflet, leur képi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il faut les voir dans le soleil, en tenue d'été, cachés dans une petite guérite pour les abriter. Leur veston tout blanc est si engageant qu'on leur demanderait un demi s'il vous plaît. Car ils sont bien jolis, les flics de mon pays. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Car ils sont bien jolis, les flics de mon pays. Aïe, aïe, aïe. Les flics de mon pays, un petit bijou de 1965 interprété par Suzanne Gabriello et inspiré bien sûr par Enrico Macias. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, sur VTT avec des rollers ou à cheval, ils sont très jolis les flics de mon pays. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre voyage au cœur de ce merveilleux pays qu'est la police nationale. De la sécurité publique aux enquêtes judiciaires, de la matraque au pavé et des brigades du tigre au fourgon des poulets, nous t'avons dressé un panorama totalement incomplet et complètement subjectif, bien sûr, de ce que peut être une vie de flic. Alors, c'est quoi la police ? Eh bien, ce sont des milliers de professionnels au service de la loi. D'ailleurs, le plus souvent, c'est la loi qu'il faudrait parfois changer plutôt que de taper sur les flics en permanence. Pour conclure, il faut se souvenir que dans l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la force publique est présentée comme l'une des garanties des droits de l'homme, justement. Cela dit, cette déclaration dit également, dans son article 2, que parmi les droits naturels de l'homme, il y a la liberté, la propriété, la sûreté, mais également la résistance à l'oppression. Il faut croire que les parents d'élèves et la directrice de l'école maternelle du Rampal à Paris avaient dû lire cet article. En effet, mardi dernier, ils se sont spontanément opposés aux forces de police qui voulaient arrêter un grand-père sans papier venu chercher ses petits-enfants à la sortie de l'école. Et oui, c'est vrai que les mots grand-père, enfant, école maternelle riment assez mal avec matraque et gaz lacrymogène. Laissez parler les petits papiers à l'occasion papier chiffon. Restez un soir papier buvard. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir ils puissent papier maïs pour réchauffer. Les petits papiers, ces âmes précieux à présenter à la police. Voilà, fin du 71e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était « C'est quoi la police nationale ?» revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve donc dès la semaine prochaine en direct à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure, total foutraque et archi loufoque bien sûr. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement, merci à toi Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique d'Henri Bérec et de Pierrick Monsigny, merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci beaucoup Flora. Merci aussi à Anne de la Lande, notre stagiaire. Pour les Scuds et toutes ses trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter, après le flash vous retrouverez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc dimanche prochain à 11h en direct, mais surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.